Le rapport à la maladie, partie 2. Donc, je propose d'écouter cet enregistrement d'après avoir entendu la partie 1 du rapport à la maladie qui est disponible également sur YouTube et qui a été fait au mois de novembre de l'année 2023. Je propose d'écouter l'autre enregistrement en premier pour être capable de mettre en contexte là, l'enregistrement suivant. En fait, dans l'autre enregistrement, je commente un courriel que j'ai reçu d'un auditeur qui s'appelle en fait Francis, à ne pas confondre avec celui qui a la chaîne YouTube qui s'intitule Oser changer, qui va faire des vidéos, il va parler de conscience, de métaphysique, des sujets comme ça. Donc, il fait souvent là, des vidéos sur YouTube, là, mais c'est pas la même personne. Donc, je voulais juste clarifier les choses pour pas qu'il y ait confusion, parce que, dans le fond, les deux ont le même prénom. Donc, je vais faire suite à un autre courriel de Francis. Donc, s'il y a des gens qui ont envie d'avoir la suite, là, par rapport à l'autre enregistrement qui s'intitulait le rapport à la maladie qui était exploré. Donc, je vais lire le courriel de Francis. Il y a encore des éléments qui me mettent en vibration, donc j'ai décidé de le partager à des gens qui nous écoutent. Donc, il m'a écrit ceci. En fait, dans l'autre enregistrement, pour résumer brièvement, je faisais allusion à mon problème de santé, puis le rapport qu'un individu peut vivre par rapport à la maladie en lien avec sa conscience. Donc, il m'a écrit ceci dans le courriel présent. « Ils ne t'ont pas encore assez fait chier les forces pour que tu les envoies chier, que tu prennes ton pouvoir face à elles. Tu les consultes encore, tu leur demandes encore leur avis aux forces. » Là, il me dit, tu es ton médecin, David, tu es supramental, tu es surhomme. Il n'y a pas d'ego à avoir là-dedans, au contraire, même, je dirais. Ça enlève encore plus l'ego de se voir ainsi. Si on y pense comme tu le fais, je comprends que tu puisses douter que cela te rendra encore plus égotique de te considérer de la sixième race, mais il viendra un temps que tu n'auras plus le choix. Ce n'est pas par plaisir que Bernard, bon ici il fait allusion à Bernard de Montréal qui initie le mouvement de la conscience supramentale au Québec, donc je reprends, disait qu'il était fusionné, initié, etc. Vient un temps où tu n'as plus le choix. Tu es forcé intérieurement de faire un choix, paradoxe ici, puisqu'un vrai choix n'en est jamais un. Il est choisi pour nous, par nous en haut, pour le nous en bas. Autrement dit, ce qui est en haut, à un moment, descend en bas, c'est tout. Donc ça, c'est son premier paragraphe que je vais commenter. C'est sûr que je vais parler dedans, puis je demande des avis à mon esprit. Être son propre médecin, c'est quelque chose d'intéressant. C'est sûr que l'individu doit être au cœur de son rapport à la santé. Il ne doit pas être au crochet des forces. Donc, si on vérifie quelque chose intérieurement, la nuance qui a à être faite ici, c'est pas dans une optique que le double ou l'esprit me dise quoi faire comme un enfant de 4 ans d'âge mental. Ici, c'est de regarder vibratoirement le principe d'intelligence qui peut se déployer en soi pour avoir accès à un savoir, ce qui est très différent. Certes, des fois, je fais des enregistrements, je peux avoir l'air à quêter des solutions à l'extérieur de moi ou à quêter des réponses à des gens de mon environnement. Sauf que le point, il y a un adage qui l'a déjà dit, on n'est pas intelligent tout seul. Et quand on est confronté à une problématique, je suis de l'avis que dans certaines mesures, peu importe le moyen, que ce soit intérieur ou extérieur, à un moment donné, il faut aboutir à une solution. Mais il revenait sur la question... De faire partie de la sixième race. En fait, dans un sens, faut appeler un chat. C'est-à-dire, si la personne est consciente puis a le mental altéré, il faut qu'elle soit capable de le reconnaître. Ça, je le comprends. Mais est-ce que la personne a le crié sur tous les toits, qui est une initiée en pleine conférence, comme elle faisait Bernard? S'il y a la vibration pour ça, OK. Dans le sens que si... il a la capacité d'assumer ça, ou s'il a assumé ça, parce que là, il fait allusion au concept de la liberté, dans le sens que vient un temps où ce que la personne n'a pas le choix. Puis, à quelque part, dans un sens, on n'a pas le choix de vivre ce qu'on vit à un certain niveau, dans le sens que, pour être honnête avec vous, on subit des événements qu'en tant qu'ego, on n'a pas choisi, ou on subit une condition énergétique, comme le fait, par exemple, quelqu'un qui est conscient ou qui appartient à la sixième race ou à la cinquième race. C'est une dimension identitaire qui est imposée à l'ego. Mais la question se pose. En fait, ce que je veux dire, c'est que, puis je vais adapter mon propos en lien avec l'autre enregistrement, c'est que, oui, quelque part, si quelqu'un vit un processus d'initiation, il faut qu'il soit capable de le reconnaître. C'est un petit peu comme, par exemple, quelqu'un qui est homosexuel. C'est pas intelligent qu'il soit en éternel déni, sauf qu'il y a toujours un contexte qui est plus propice que ça. Prenons, par exemple, la personne qui est homosexuelle en Iran, alors que c'est considéré par les responsables de ce pays comme étant un crime grave et qui peut être condamnable par la mort. Alors que la même personne qui est homosexuelle, qu'elle soit en France, en Belgique, au Québec, c'est pas pareil. Pourquoi? Ben, la personne vit la même condition sur le plan de l'identité, son orientation sexuelle, à deux endroits dans le monde différents. Il y en a une qui est considérée avec respect comme citoyen, en tout cas de plus en plus, là, que ce soit dans les pays occidentaux comme le Québec, la France, la Belgique, la Suisse, alors que ce n'était pas le cas là, il y a 60 ans, alors que la même personne dans un autre pays est rejetée et mal vue, etc. Donc, il y a un contexte pour chaque chose. Certes, la personne qui fait partie de la sixième race où il y avait un processus d'initiation, une altération de conscience, oui, à quelque part, elle doit le reconnaître si elle vit quelque chose comme ça. Par contre, est-ce qu'elle doit le crier sur tous les toits? Pas nécessairement. Il y a un contexte. Quelqu'un qui est, par exemple, homosexuel en Iran, il n'a peut-être pas intérêt de le crier sur tous les toits puis d'aller dire ça à des responsables religieux conservateurs. Tandis qu'au Québec, ben, la personne peut en parler. Il y a de plus en plus, au fil des ans, des gens homosexuels qui en parlent publiquement dans les médias de masse. Et c'est de plus en plus accepté. Donc, c'est très différent comme contexte. Et ça sera éventuellement la même chose par rapport à l'individu qui appartient à la sixième race ou qui a une conscience nouvelle. Mais avec le temps, lorsqu'une masse critique sera atteinte, mais il ne faut rien espérer par rapport à ça, parce que sans ça, on se met à la remorque des événements, c'est ce qui est quelque chose d'inintelligent. Mais l'individu qui est conscient ne doit pas se sous-estimer. Si la personne vit d'une conscience vibratoire, ben, elle doit l'assumer. Ça, je comprends, parce que si elle sous-estime, elle dit « Non, moi, je ne suis pas si conscient que ça », ou une fausse modestie, c'est une attitude psychologique de l'ego. Même chose que l'autre, la personne qui se surévalue, la personne qui se croit appartenir à la sixième race, puis elle s'imagine qu'à cause de ça, ben, elle va être immortelle, elle n'aura jamais de cancer, elle n'aura jamais de problème de poumon, problème urinaire, problème d'organes physiques, alors que c'est un leurre. Donc, c'est pas parce que quelqu'un appartient à un autre registre de conscience qu'elle va être exemptée de maux physiques. Par contre, elle ne doit pas se sous-estimer en disant « Non, moi, je ne suis pas conscient, je ne suis pas si... » Elle ne doit pas nier sa condition, mais elle ne doit pas la surévaluer aussi ou l'idéaliser. Donc, s'imaginer qu'elle appartient à quelqu'un qui appartient à la sixième race, s'imaginer qu'elle va ascender là, sur un coussin de lumière à la fin de ses jours, que son corps va se dématérialiser, puis il va avoir un rayon de soleil ou une aura de lumière rose bonbon qui va se former autour d'elle. Ça fait partie de l'automystification que quelqu'un qui peut être sous influence astrale peut vivre. À un moment donné, j'avais discuté avec quelqu'un, puis il était dans le domaine de la spiritualité, mais il y avait une certaine vibration, puis j'avais trouvé ça intéressant. À un moment donné, puis ça m'a, quand il m'a parlé, ça m'a créé un choc sur le coup. Puis c'est pour ça que je vous en parle présentement. Parce que il y a plusieurs années, j'avais tendance, je m'intéressais pas au processus de fusion, je parlais plutôt d'ascension. Je lisais des livres spirituels où il était question que la conscience va ascensionner. Puis à un moment donné, ce qu'il me dit, il me dit, regarde là, le processus d'ascension, là, c'est comme quelqu'un qui va roter ou qui va péter après avoir mangé de la nourriture. Là. Il dit, il n'y a rien à idéaliser là-dedans. Mais dis ça très frais, très carré. C'est une réaction biologique. Un peu comme quelqu'un qui mange puis il va chier après. C'est comme un transfert d'énergie. That's it, that's all. C'est pas être mystifié. Tu sais, ça a été un choc très déspiritualisant pour moi. Ça coupe ce qu'on appelle la lune de miel avec l'esprit. C'est comme la personne qui dit, ben si tu manges des bines, si tu manges des fèves, des légumineuses, ça se peut que tu aies des gaz puis que tu pètes. C'est une réaction. Il dit, la fusion, c'est la même chose. La personne est altérée par une énergie, c'est la résultante de... Il disait pas la fusion, il disait l'ascension dans son vocabulaire, mais ça revenait un petit peu le même principe. Il n'y a rien à idéaliser là-dedans. Donc, j'avais trouvé ça intéressant. C'était bon, puis ça m'a comme dégagé par rapport au processus. Je vais continuer la lecture du courriel de Francis. « Je comprends, j'entends tes doutes. J'ai les mêmes. Ils m'ont aussi tout enlevé. Ils jouent aussi sur ma santé. C'est leur manière de nous joindre. Ils, les forces, jouent sur nos forces de vie pour baver notre spiritualité, nous choquer et nous pousser à faire le choix d'eux, de la sixième race. C'est pas un don d'être un être cosmique. C'est une invitation, un saut à faire. » Les forces nous invitent à le faire via notre ajusteur de pensée, si tu veux, mais c'est toujours à nous ici en bas à agir en conséquence, à au-delà de la croyance, de la réflexion, de la peur, du doute, pour enfin agir de manière supramentale, c'est-à-dire dans son pouvoir. Ce n'est pas un statut supérieur. Je dirais même que d'un point de vue humain, être un être supramental est un statut inférieur. Puisque tu ne peux plus rien faire, dans le sens que si ils, les forces, ne sont pas d'accord, eh bien, pas de bol. Tu sèches et attends 2, 5, 10 ou 20 ans avant de voir un département de ta vie venir bouger, finances, amour, santé, etc. Donc, j'arrête la lecture ici, je vais commenter un peu. Mais c'est intéressant ce qu'il dit parce que ça vient... équilibrer le rebord par rapport à la notion de la sixième race pour éviter de l'idéaliser. Dans le sens que, au lieu d'être mystifié par ça, puis a envie de faire partie de la sixième race, puis s'amener de s'imaginer qu'on a des pouvoirs psychiques, des capacités que les gens n'ont pas, qui vont nous permettre d'être heureux, etc. Lui, il dit, c'est pas un statut supérieur qui doit être idéalisé. Il dit, même à un certain point de vue, c'est un statut inférieur parce que la personne, lorsqu'elle vit ça, c'est-à-dire un état de conscience altéré qui l'amène à faire partie de la sixième race dans son rapport aux forces, eh bien, la personne subit les forces. C'est-à-dire, c'est un état de possession, de transmutation, de transformation énergétique imposée à l'ego. Certes, l'ego peut avoir un mental qui est altéré, bénéficier d'une vibration différente qui va régénérer sa psyché, sauf que le point... c'est que c'est eux autres qui dirigent la vie, qui tirent les ficelles, et l'ego qui devient conscient le voit avec plus en plus de clarté. Et c'est sûr qu'il y a du temps à contenir. Ça peut être très souffrant, quelqu'un qui y attend pendant 2, 10 ou 20 ans avant de voir qu'une condition de vie financière, amoureuse, santé, ça s'améliore. C'est une abomination. Tu sais, quelqu'un, par exemple, qu'il souffre d'un problème de santé chronique, ça dit intérieurement, ah, ça va prendre 20 ans avant que ça se règle ou 20 ans avant qu'elle soit en couple. Si la personne voudrait être en relation amoureuse avec un partenaire ou une partenaire, ou 20 ans, trouver un équilibre financier qui va lui permettre d'avoir une certaine aisance pour être en mode de plaisir de vie dans les dépenses plutôt que juste en mode survie puis utiliser l'argent pour les nécessités de base. C'est sûr que c'est pas évident. Quelqu'un qui vit ça consciemment, puis se fait dire, tu fais partie de la sixième race, puis là, la personne, il y a des. Puis elle se fait. Sa situation est enviée par d'autres personnes par rapport à son état psychique, alors qu'en réalité, la personne, dans un certain sens, a subi ça. Je vais continuer la lecture du courriel. On perd le libre arbitre pour gagner la liberté d'être. On perd l'ego pour gagner l'esprit. Pas étonnant que l'ego capote net. Je suis désolé, mais moi aussi, pour ma vie, là-dedans, mais cette dernière ne m'appartient plus. Fin de l'illusion. C'est une purge qu'il faut sur nous. C'est donc très, très bien cette maladie que tu as, David. C'est pour les autres qu'elle est bien, mais pour toi, pour te découvrir toi, ta force à toi, et les forces jouent sur nos forces vitales, sexe, pénis, reproduction, intimité, désir, corps. Bon, il fait allusion à mon problème de peau auquel je parlais abondamment dans les derniers enregistrements là, des derniers mois, là, c'est-à-dire un lichen scléreux atrophique au niveau du pénis qui a amené mon urètre à boucher. Puis là, j'ai une opération pour la déboucher, puis là, je suis obligé de m'enfoncer une tige deux fois par jour pour pas qu'elle rebouche. Puis la peau à l'intérieur de mon urètre est un petit peu blanchâtre, puis faut pas que ça referme. Fait que là, je suis un petit peu sous tension là, par rapport à ça. Fait que je reprends la lecture afin de nous atteindre, rejoindre, nous faire sortir de nos gonds. Donc, la maladie peut être une occasion pour nous faire sortir de nos gonds. Oui, ça peut amener un changement, je répéterai. Là, je vais continuer la lecture. C'est pour nous que notre maladie est importante, un nous que l'on ignore jusque-là, concept d'identité que Bernard a développé. C'est là que Bernard leur disait « Je ne meurs pas, même dans la mort, tu dois être capable de les regarder dans les yeux et leur dire « Mais sacrément, vous pouvez me couper le zizi, les poumons, le cœur, les jambes et tout ce que vous voulez, je ne meurs pas. Je ne meurs pas parce que je vibre de ne pas le faire, c'est tout. Vous m'amenez à la mort, good for you, les forces. Faites votre job, mais moi, j'y vais à la mort que vous m'imposez sans mourir. Autrement dit, vous avez beau faire ce que vous voulez de moi, je ne succombe pas à vos jeux de peur. » Et c'est là que Bernard disait, ils disent après, c'est là ça qu'il fallait que tu fasses. Autrement dit, il te confirme après, mais jamais avant. Que tu aies pris ton pouvoir sur eux. Eux, les forces peuvent juste te manipuler pour te faire sortir de tes gonds et que tu captes ton pouvoir, ton statut cosmique. Donc, j'arrête ici la lecture. Donc, c'est sûr que c'est à travers d'atroces souffrances que la personne peut sortir de ses gonds, puis dans le fond, que la pleine mise en puissance individuelle peut s'opérer. Et que la puissance volontaire de l'individu relative à son statut cosmique de capacité de s'opposer aux forces prenne place. Mais c'est pas agréable à regarder, hein? Donc, puis la personne est confirmée. C'est parce que si la personne réussit à horizontaliser son rapport aux forces dans une attitude de rébellion psychique à l'égard des forces, dans une optique de non-soumission, de non-manipulation par la force, par la peur, par le chantage, par la culpabilisation, etc., bien, à ce moment-là, les forces sont obligées de reconnaître en bout de piste que l'ego qui en parvient à ce stage, il est intelligent. Autrement dit, il est l'un des leurs, il est aussi intelligent qu'eux, étant donné qu'il est incorruptible sur le plan émotionnel, sur le plan psychologique, sur le plan de son rapport à la forme. Donc, à ce moment-là, si l'ego est capable de contenir des tensions qui l'amènent à atteindre un niveau qui horizontalise le rapport aux forces, ben à ce moment-là, il peut avoir la confirmation seulement par la suite que c'est ce qu'il fallait qu'il fasse de leur part, mais il n'y aura pas ça avant. Pourquoi? Parce que tant que l'ego... c'est intéressant de le parler. Tant que l'ego n'a pas assez souffert pour horizontaliser les forces, il ne fait pas partie d'une conscience... qu'une puissance psychique parallèle à la leur. Donc, à ce moment-là, ils ne peuvent pas reconnaître son statut identitaire au même titre qu'ils se reconnaissent entre eux. Il faut que la personne s'oppose à eux pour faire partir d'eux davantage. C'est spécial, hein? C'est pas évident à comprendre. Il faut que la personne... OK, c'est un jeu d'énergie. Si la personne s'oppose à eux, c'est parce qu'il n'est pas soumis à eux. Puis s'il n'est pas soumis à eux, il peut résenter le rapport à eux. Donc, il n'est aucunement fascinable par les forces. C'est intéressant de parler à la voix haute de certaines choses parce que ça permet d'apporter des clarifications, des nuances. Tant que l'individu a peur de contester les forces puis est soumis à eux en disant « Ah, c'est de la faute du karma que j'ai ce problème-là. Faut que je l'accepte. faut que je me soumette à ci, faut que je me soumette à ça. C'est parce que j'ai dû être pas fin dans une vie antérieure avec mon pénis, que j'ai un problème avec le pénis, j'ai ci, j'ai ça. Tant que la personne a une attitude de soumission, la personne ne peut pas horizontaliser le rapport à eux parce qu'il est en perte d'énergie. Il n'est pas égal. Tandis que s'il conteste la condition qu'il subit, il n'est plus dans un état d'oppression psychique parce qu'il peut horizontaliser son rapport avec les forces. Ouais. Je vais continuer à lire. Je commenterai, là. Il faut que tu te dédoubles un moment face à eux, que tu prennes ton chemin sans eux. Fin de la fusion, fin de l'initiation, que tu mettes fin à ta fusion toi-même et j'ai hâte que tu le fasses, David. Tu n'auras plus peur de dire que tu es fusionné, initié. J'arrête ici. Par rapport à un statut qu'une personne peut avoir d'être fusionné, initié, j'en viens à la conclusion que c'est pas nécessairement intelligent de le griller sur tous les toits, de le dire à tout le monde. L'individu qui est conscient, il cherche pas l'opposition avec l'environnement. Certes, dans certains cas, il a amené des combats, il a s'opposé à des gens spécifiques à certains moments spécifiques. Mais de le crier sur tous les toits, là, je vois pas ça d'une manière intelligente. Je continue la lecture. Tu diras, même rendu là, que tu n'es plus un fusionné ni un initié, pour le moment, tu en es un, même si tu ne veux pas le dire, car l'astral t'en empêche, mais tu en es un pareil. Tu ne sais pas, mais tu es un fusionné et un initié en ce moment même. Après, bientôt, tu pourras dire que tu as mis fin à ton initiation et à ta fusion de eux sur toi. À l'emprise du double sur toi, et c'est là que j'ai introduit le concept du dédoublement. Présentement, tu as un doublé qui est essentiel afin de sortir de la fusion, de la pression de eux sur nous. Et là, on en est bien. Là, ils ne peuvent plus rien sur nous. On a intégré l'initiation. Tu es initié puisque tu vis l'initiation, David, c'est tout. Ils ne veulent pas que tu le saches, mais moi, je te le dis, tu es initié puisque tu vis l'initiation. Les gens profitent de ton ignorance. Mais moi, je te le dis, tu es initié qui vit une initiation et tu mettras un terme bientôt. Ceux qui en profitent, là, ils nomment des noms, je ne dirai pas nécessairement ici. Voyez, je regarde une petite gêne. Ils ne te diront pas puisqu'ils en profitent. À un moment donné, tu seras écœuré de sortir, de servir de putain et tu mettras la hache là-dedans. Tu ne pourras plus le supporter tellement l'initiation t'aura poussé à bout. Une grande révolte s'en suivra. D'ici là, eh bien, ton ajusteur fait son boulot. Ils tenaillent tes forces de vie. Eux calculent qu'on le supportera, qu'ils nous connaissent, alors ils nous font évoluer. Après, on leur dit merci. Oui, après, on bénit nos maladies parce qu'on a vu l'importance de ce qu'elles ont eu dans notre évolution pour notre bien, mais pas avant, car quand on les vit, on pâtit, on est dedans, on les souffre. On les souffre tant qu'on ne décroche pas face à elles nos maladies. Notre peur de la mort est là, David. Notre dégoût d'être un mortel manipulé. On a raison. Il faut sortir de cette condition, mais en même temps, on l'aime, on y est attaché, on la croit réelle. La vie n'est pas réelle. On la croit vraie, mais elle n'existe pas. C'est une illusion, un jeu astral. Nous sommes le comédien utilisé pour faire les rôles. En vrai, nous ne sommes pas vivants. On pense qu'on est là, mais nous sommes endormis dans notre conscience. Nous ne sommes pas ici dans la matière, nous sommes ailleurs en train de vivre et nous sommes convaincus qu'on est en train d'avoir peur et mal ici, en bas sur terre. On est illusionné de vivre une vie, on se raconte des histoires, pas à peu près. C'est con la terre et on devrait être écœuré d'être ici au lieu de protéger notre statut d'être humain en permanence et de se justifier comme étant un vivant, un humain. On est ici-bas prisonnier d'un jeu vidéo. On est cosmique, pas humain, cosmique. Il y a une guerre ici qui veut nous faire croire qu'on appartient à la Terre, mais c'est faux. On est des étoiles. Il termine là-dessus. J'avais beaucoup de choses à dire depuis le texte que j'ai lu, là. Ben, dans un sens, quelqu'un peut dire qu'il est un initié s'il subit une initiation, c'est-à-dire une imposition d'une transformation énergétique malgré lui. Il a porté la question de l'initié. Par contre, c'est à l'individu de se savoir. Quelqu'un pourrait dire publiquement qu'il est un initié, qu'à partir de la sixième race, mais les gens du public, soit qu'ils vont y croire ou ils croiront pas, s'ils fonctionnent d'une manière psychologique, si une personne fonctionne d'une manière vibratoire, eh bien, elle va vibrer la personne, puis elle va dire, ouais, telle personne, il dit que c'est un initié, c'est congruent. Telle autre qui dit que c'est un initié, ça ne l'est pas. Mais cette personne-là, elle va fonctionner d'un autre mental que psychologique, que la personne qui réfléchit, que la personne qui croit ou qui doute. C'est une autre façon de procéder. C'est en fonction d'une captation du réel sur le plan de l'énergie, libre de la polarisation dans les jeux du vrai, du faux, en relation avec des formes qu'on peut donner, des étiquettes qu'on peut imposer à des gens. Mais en même temps, que la personne reconnaisse une vibration, c'est quelque chose qu'elle peut sentir, qu'elle peut capter, qui va l'amener à réaliser certaines choses. Mais tout ça pour dire quoi? Que la personne, qu'elle soit consciente ou pas, ce qui est essentiel, c'est qu'elle sache que le public, que la personne le dise publiquement ou pas, ça n'enlève rien à sa condition. Tu sais, quelqu'un qui... Dans son fort intérieur, disons que un homme se sent femme et que cet homme-là sorte publiquement sur les plateaux de télévision en disant qu'il est un transsexuel ou qu'il s'habille en femme, en travesti, ou qu'il le fasse ou qu'il le fasse pas, ça y appartient. Mais que la personne, dans son être-té, son intériorité, si elle est quelque chose, plutôt qu'elle s'évalue comme étant... D'identité sexuelle masculine ou féminine, c'est quelque chose qui est propre à elle, mais c'est pas nécessairement important que la personne en parle ou pas publiquement. Ce qui peut être important, c'est qu'elle s'ajuste dans son mental. Mais lui disait que j'étais en processus d'initiation, donc dans un sens, j'étais un initié qui vit une initiation, qui subit des oppositions énergétiques pour m'ajuster. Et que là, il parlait de la fin de l'initiation. La fin de l'initiation, dans un sens, la façon que je le comprends, c'est quand la personne est écœurée de subir des impositions, la personne se révolte contre l'esprit pour horizontaliser son rapport avec lui, puis l'amener à arrêter de le faire chier. Donc, c'est sûr qu'à un stade, à force de souffrir, à un moment donné, il y a quelqu'un qui peut monter en puissance en disant « ça va faire ». Quelqu'un peut dire « ça va faire les problèmes de santé, ça va faire les problèmes financiers, ça va faire les problèmes de couple ». Sauf que quand la personne fait ça, puis là, c'est là que c'est intéressant de se référer à une compréhension du principe que, comme il faisait allusion au début, que les choix sont forcés, c'est que la personne ne peut pas faire autrement que d'en venir à ce point-là. Donc, c'est pas un choix réel, c'est-à-dire que c'est choisi par elle... C'est choisi pour elle que les forces l'amènent à faire ça. C'est comme une rétroaction d'une énergie qui cherche à comprendre, à s'auto-comprendre à travers un être humain. C'est ça qui est compliqué. Un individu est inconscient. Il vit sa vie de tous les jours. À un moment donné, il vit des chocs. Puis une énergie qui rentre dedans, qui s'active, qui l'amène à contester les chocs que la même énergie a fait. Dans le domaine de l'étude des conspirations, je me rappelle qu'il y a plusieurs années, j'avais lu à un moment donné un livre de David Icke qui parlait du problème réaction-solution. Donc, et l'esprit, qu'est-ce qu'il fait avec nous autres dans un certain niveau du problème réaction-solution? Problème, la personne vit un problème de santé important, problème financier, rupture amoureuse, quelque chose qui choque l'ego, qui fait pas plaisir. Réaction. Soit que l'ego se met à terre, il semble en dépression, il a des idées suicidaires, puis il trépasse. Donc ça, c'est une réaction. La personne semble dans un état de tristesse, d'impuissance, est astralisée. Ou au contraire, la personne, face à l'événement qui le fait chier, se met en colère, s'intériorise et conteste l'esprit. Et là, à ce moment-là, il peut avoir la confirmation plus tard que c'est ce qu'il devait faire pour amener un changement, mais là, à ce moment-là, s'il va dans ce sens-là, c'est parce qu'il a connu une modification en tant que contenant énergétique qui l'amène à laisser circuler en lui une plus grande quantité d'énergie. Donc, à mesure que l'individu vibre à la colère mentale, l'opposition psychique, il laisse circuler plus d'énergie qui provient de l'esprit, et là, il y a une rétroaction d'auto-ajustement de l'énergie. Parce que l'énergie est intelligente lorsqu'elle circule. Et fait en sorte que une partie de l'esprit qui pénètre l'individu va ajuster une autre partie de l'esprit qui existe en parallèle en dehors de l'individu. Et là, c'est compliqué puis c'est tordu, là. J'essaie de l'expliquer avec clarté, le processus initiatique, mais c'est que lorsque l'individu est pénétré par l'esprit, l'ego qui pensait d'une manière linéaire ou sous influence astrale s'est changé, s'est chambourdé. L'ego qui vit un choc est choqué dans sa psychologie, ce qui l'amène à monter en vibration puis avoir accès à des idées créatives qu'il n'aurait jamais eu accès auparavant sans cette opposition. Donc, l'opposition et la nécessité de l'auto-invention de soi. Donc, le choc change l'individu, altère sa psyché, fait de lui un nouvel initié par l'esprit qu'il manipule à travers l'événement qu'il lui impose. Puis, initié ici, c'est dans le sens de faire quelque chose de nouveau. On peut y aller d'une manière très simple, là. On peut dire qu'il y a un inventeur qui a initié le mouvement de l'automobile, donc l'industrie automobile. Donc la première personne qui fait un automobile, qui met ça sur le marché, bon, ben, il a initié le mouvement du déploiement de l'industrie automobile. Ensuite, on peut dire il y a quelqu'un qui a inventé un téléphone intelligent, bon, ben, il a initié une nouvelle forme de communication. On peut dire que, par exemple, le iPhone a initié cet appareil lorsque c'est apparu au début des années 2000, la naissance d'un appareil multitâche de téléphonie, c'est-à-dire qu'on peut utiliser le téléphone avec le iPhone pour, par exemple, aller sur Internet, on peut écouter de la musique aussi avec, on peut faire différentes tâches que juste téléphoner. Donc, ici, c'est dans le sens de quelqu'un qui apporte quelque chose de nouveau. Donc, un initié, c'est quelqu'un qui subit une nouveauté à sa conscience, un nouveau fonctionnement psychique qui va remplacer le fonctionnement psychologique. Donc, si on l'étudie, j'en viens à cette compréhension. Là, je voulais revenir parce que des parties que j'ai lues, puis ça a été vite, j'ai lu un gros paragraphe monolithique. Puis, il était question du double, puis de dédoublement tantôt. C'était pas clair pour moi. À l'emprise du double sur toi, et c'est là que j'ai introduit le concept de dédoublement. Présentement, tu es doublé, qui est essentiel afin de sortir de la fusion de la pression 2 sur 2. Et là encore... Parce qu'on peut vivre une pression des plans, une tension. Il y a des gens qui vont vivre une tension sexuelle. Autrement dit, quelqu'un qui a un désir sexuel qui augmente avec le temps, puis il est tendu, ben à ce moment-là, il va avoir quelqu'un qui... des fois, j'ai des images grossières, mais elles sont tellement communicatives. Un homme qui est un individu masculin qui est testicule pleine de sperme, à un moment donné, ça ne peut pas s'accumuler là éternellement, donc une tension sexuelle qui est là, qui fait en sorte qu'à un moment donné, il va devoir éjaculer, que ça sorte, que ça soit qu'il y a une relation sexuelle qui se masturbe ou que ça sorte dans le sommeil. Pourquoi? Ben, l'énergie ne peut pas stagner éternellement au même endroit. En l'occurrence, ici, les testicules. Même chose pour une envie d'uriner. La vessie se remplit. À un moment donné, il faut que ça sorte. L'esprit peut créer des tensions énergétiques au sein de l'individu pour que l'individu sorte de ses gonds et que l'énergie qui était jusqu'alors refoulée parce que la personne était sous emprise astrale, eh bien, l'individu qui n'en peut plus fait éclater la timidité, la gêne qui l'empêchait de parler fort, de crier, de parler à voix haute. Autrement dit, la tension énergétique, dans certains cas, peut amener quelqu'un à exploser en beauté, dans le sens que la personne s'extériorise comme jamais, vaincre sa timidité, sa gêne qu'elle pouvait avoir depuis sa naissance parce qu'elle a été écrasée par des parents autoritaires, et ainsi de suite. Mais aussi, quelqu'un qui est trop écrasé puis ne s'allume pas créativement, le changement ne se fait pas, bien, la personne peut imploser puis sombrer dans la dépression puis retourner toute la frustration, la colère qu'elle vit, la tension contre elle-même et se suicider. Ça dépend. L'utilisation des énergies de tension au sein d'individus, les fameuses forces de contraction, ça peut avoir plusieurs impacts. C'est clair, là. Puis là, il dit à un moment donné, tu seras écœuré de servir de pantin et mettre la hache là-dedans. Bien, c'est sûr que dans le fond, mon objectif dans la vie, c'est pas d'être un esclave des forces, être un esclave d'une forme de spiritualité. Non, c'est d'être libre de tout ça. Et c'est sûr que le parcours supramental, c'est pas pour tout le monde parce que ça part du principe que la libération vient de l'ego qui se révolte contre les forces. Il vient pas de l'amour des forces puis de se mettre à genoux pour prier le bon Dieu ou prier les êtres spirituels d'avoir une guérison miraculeuse. Et ça, je l'ai compris depuis longtemps. Elle vient d'une volonté individuelle de composer avec les frustrations de la vie comme un problème de santé sans sombrer dans un état de dégradation énergétique, c'est-à-dire sans sombrer dans un état de tristesse, d'impuissance, et ainsi de suite. Si la personne est capable d'avoir des problèmes de santé importants, problèmes financiers, problèmes de couple, ou peu importe la nature des problèmes importants relatifs à sa condition d'être au monde à travers un corps par rapport à sa situation existentielle, et la personne reste froide dans le mental, c'est-à-dire dans un état psychique d'équilibre avec les plans occultes, ben à ce moment-là, la personne a horizontalisé le rapport puis c'est capable de faire face à différents nombres de positions. Donc, la personne n'est pas manipulable par la sexualité, pas manipulable par le désir d'être en couple absolument, d'assouvir des pulsions sexuelles, puis pas manipulable par la famille, faire plaisir aux gens de la famille parce qu'à ce moment-là, ça lui donne un sentiment d'appartenance. C'est pas manipulable par la finance, qu'elle ait de l'argent ou qu'elle n'ait pas. Elle se sent pas moindre pour cela. Elle vit pas de complexe d'infériorité. Même chose, pas de vivre de complexe d'infériorité advenant qu'elle n'a pas une capacité de mémoriser autant d'informations que d'autres personnes qu'elle avait enviées dans le passé, étant donné que ces personnes sont des surdouées et qu'elle n'a pas une capacité d'être une encyclopédie vivante. Si la personne n'a pas de complexe aussi parce qu'elle n'est pas un monsieur muscle, si la personne est libre de toutes les formes de manipulation, d'imposition qui peut l'amener à une dégradation vibratoire, puis la personne reste stable dans le mental, eh bien, à ce moment-là, en dépit de qu'est-ce qu'elle vit, elle est très vivante, même si des conditions adverses lui sont opposées. Et c'est là que, pour horizontaliser les forces, parce que les forces, les êtres sur le plan éthérique, eux autres, ils n'ont pas de corps. Donc, ils sont pas manipulables par la faim, par la soif, par le désir sexuel, le désir d'avoir de l'argent, le désir d'être en santé. Tant que l'être humain est manipulable par ça, il est corruptible. Puis pour les égaliser dans l'incorruptibilité psychique, l'individu ne doit pas être manipulable sur ces plans-là, mais c'est pas évident. C'est pas évident. Mais c'est le point que l'être humain cosmique nouveau doit en venir à connaître. Et tant que la personne est en processus d'initiation, c'est-à-dire qu'elle n'a pas encore atteint ce point, mais elle s'y dirige, malgré elle, parce qu'elle est manipulée par des forces pour en venir à ce point, car en venant à ce point, ces forces-là auront actualisé à travers un être humain un principe cosmique. Donc, autrement dit, pour en revenir tantôt dans l'enregistrement, ben c'est que le processus d'initiation qui amène à la conscience d'être fusionné, qui est pu doubler, est pu dépasser par les forces parce qu'il a intégré, c'est un principe qui, d'une perspective extérieure, d'une perspective mécanique, n'a pas à être idolâtré, idéalisé, comme quelqu'un, par exemple, qui va faire un roux, qui va roter après avoir mangé de la nourriture qui donne des ballonnements. C'est une réaction. C'est une réaction d'un transfert d'énergie, tout simplement. Donc, les gens n'ont pas à se palmer de ça. C'est un petit peu comme quelqu'un qui dirait, ben après avoir mangé, j'ai été faire caca. Puis là, tout le monde dirait, hey, il a fait caca! Wouhou! Les gens seraient excités. Voyons. Quelqu'un qui, dans un sens, quelqu'un qui est un initié, c'est quelqu'un qui souffre que les forces le font chier. Puis on va regarder ce processus en disant, ah, wow, l'individu, il souffre d'une altération psychique qui lui est imposée. Puis on va se mettre à l'idéolâtrer en disant, ah, lui, c'est un grand initié, lui, il sait des choses que les autres ne savent pas. Mais ça, c'est de la naïveté spirituelle dans le rapport. C'est comme des enfants qui n'ont jamais rien vu, puis là, à un moment donné, il y a un enfant qui pète ou qui fait caca, puis ça pique leur curiosité. Puis, mais quand que la personne, ça fait des années qu'elle chie puis qu'elle mange, ben elle n'est plus fascinée par ça. Le rapport change. Et il y a une maturation psychique. Donc, la fascination par rapport au concept d'initié, c'est une fascination infantile, mais qu'une partie de la population peut vivre. Et ben moi, je trouve ça drôle, puis en même temps, c'est pas drôle, là, dans le sens que des gens très spirituels voient quelqu'un qui est capable de générer une vibration plus élevée qu'eux. Ils vont dire, ah, telle personne, c'est un initié, ils vont l'envier, ils vont vouloir être comme elle. Puis si, par le malheur, ils subissent des chocs initiatiques, ou moindrement des oppositions. Ah, cessez les forces, je veux plus être un initié. Pourquoi? Parce qu'il y a un prix à payer. Donc, par rapport à ça, il n'y a rien qui est gratuit. Donc, c'est comme la personne qui va être musclée sans avoir à s'entraîner en salle ou sans avoir à faire des push-ups. Ça ne marche pas. C'est comme quelqu'un qui va être libre de la peur, il va regarder un personnage de film ou il écoute une vidéo puis il dit, ah, waouh, lui, il est libre de la peur, il est capable de faire ci, il est capable de faire ça. Il est centrique. On va présenter quelqu'un comme étant un héros de la guerre, qui a été en mission, qui a sauvé des gens de la population, la veuve et l'orphelin. Mais il y a un prix à tout. C'est ça l'affaire. C'est comme l'histoire, les gens veulent aller au paradis, mais ils veulent pas mourir. C'est comme les gens veulent avoir la gratification, mais ils veulent pas payer le prix. Et ça fait partie de l'ego polarisé qui réfléchit, qui évalue les choses. Donc, les gens veulent bénéficier dans un certain sens de la réalisation ou de l'état d'être qui a intégré le processus de la fusion, c'est-à-dire l'être humain supramental, l'être cosmique, mais en même temps, ils ne veulent pas emprunter le chemin qui mène à ça parce que c'est souffrant. Donc, la souffrance, est-ce qu'elle est inéluctable pour l'évolution de l'individu? Oui. Et c'est à l'individu lui-même, comme il disait à un moment donné dans le texte, là, mettre fin, de ce que je comprends du texte, là, je ne sais pas, là, parce qu'il y a tellement de choses qui ont été dites, puis ça peut être sujet à déformation, mais de ce que je comprends, c'est que c'est à l'individu lui-même, à un moment donné, de mettre fin à son processus d'initiation en disant « ça va faire l'imposition énergétique des forces ». Et là, à ce moment-là, la personne, elle devient, oups, l'équivalent d'eux autres. Parce qu'elle a une volonté suffisamment affirmée pour ne plus être fascinée ou soumise à eux par attitude psychologique. Comme la personne qui, par exemple, la personne qui est soumise aux forces, c'est comme quelqu'un qui vit beaucoup à la peur, de l'anxiété, puis de l'angoisse. Puis pour contrer l'angoisse, la personne va se mettre, par exemple, à genoux pour prier comme mécanisme de défense. Tandis qu'à ce stade-ci, l'être humain reste debout, il ne se met plus à genoux, il n'est plus dans une attitude de soumission par rapport à la grandeur de Dieu ou des forces, mais il est dans un rapport horizontalisé avec son esprit. Ça revient à ça, hein? Je l'aborde depuis tantôt, il y a peut-être des gens qui me trouvent que je tourne en rond depuis les dernières minutes, mais j'essaie de cerner certains éléments en les abordant dans différents angles pour avoir plus de clarté. Mais j'ai trouvé ça intéressant. Il dit, on perd le libre arbitre pour gagner la liberté d'être. La liberté d'être, c'est lorsque la personne n'a plus le choix de faire ce qu'elle fait parce qu'elle vit en unicité avec eux. Donc, elle est pleinement dans le sens qu'elle est libre des contingences astrales qui l'amènent à appauvrir son énergie parce qu'elle est unie avec eux en relation avec l'opposition vécue par l'ego en lien avec eux qui l'amène à une contenance d'énergie suffisante par rapport à eux pour horizontaliser le rapport et ainsi être un vecteur d'énergie nouvelle et renouvelée et renouvelable. Mais à ce stade-ci, l'ego a plus de libre arbitre parce qu'il réalise que c'est pas lui qui décide, que les choses lui sont imposées. Mais à ce moment-là, il est en état d'unicité avec le principe imposateur de choses ou d'événements dans sa vie, c'est-à-dire l'esprit qui tire les ficelles occultes. Donc à ce moment-là, il est en paix dans le mental parce qu'il peut réaliser la pleine intelligence des éléments qui autrefois il subissait comme étant imposés dans sa vie, en ce sens qu'il était en décalage avec l'esprit, donc il pouvait ne pas assumer l'intelligence, tandis qu'en s'opposant à l'esprit, il y a un mariage, une unification, une reconnaissance par l'ego qui, dans le rapport d'opposition avec l'esprit, amène l'esprit à lui dévoiler des informations qu'il est en mesure de contenir, étant donné la montée en puissance qu'il peut connaître dans sa volonté oppositionnelle qui lui permet de contenir des réponses de plus en plus intelligentes qu'il ne pouvait pas contenir au préalable et qui lui permet de réaliser que finalement, l'initiation qu'il a vécue et qu'il a subie, et lorsqu'il a réfléchi, il trouve ça extrêmement souffrant, il est obligé d'admettre que c'était nécessaire. Donc, certains vont dire, ben, c'était nécessaire, telle maladie, mais avec le recul, ça peut prendre 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, parce que ça a été un principe d'élément contrariant qui a changé le taux vibratoire d'une personne et sa stature énergétique. Ouais. Bon, là, je vais arrêter l'enregistrement, là. Je pense que j'ai fait pas mal le tour du message là, que j'ai reçu par courriel. Donc, écoutez, l'idée à travers ce commentaire-là du courriel, c'est d'aller plus loin dans la compréhension du réel par rapport à des notions comme les êtres de la sixième race, les nouveaux initiés, les individus supramentaux, les êtres cosmiques, et ainsi de suite. Bon, ben, bonne fin de journée, au revoir.